m'as vu quand t'es passé devant moi. Mon pantalon à mes genoux, mon caleçon, puis t'as trouvé l'inattendu. Naturellement, t'es monté dessus. On marchait main dans la main sur une allée. Cette fois-ci, t'as marché dessus.